comprends, j'en veux pas qu'à ton écu, poupée. Quand apprendras-tu à te poser? Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémouzo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 1er février, et oui ça y est, nous sommes déjà en février. Nous souhaitons une bonne fête aux Hélas, ça vient du grec signifiant éclat du soleil. Les Hélas sont vives, alertes, enjouées et particulièrement communicatives. Charmantes et élégantes, elles cherchent à plaire ainsi qu'à faire plaisir. Elles apparaissent extraverties et ont besoin des autres pour se sentir exister. Douées de facultés d'élocution et d'expression, elles adorent être en représentation, parler et échanger leurs idées. Elles sont spirituelles et éprouvent un plaisir certain à amuser leur entourage. Excellente comédienne, adaptable, capable de mimer les défauts d'autrui, elle possède un esprit critique et un sens aigu de l'observation. Rapide et maligne, elles savent facilement se tirer d'embarras. Elles sont curieuses et intéressées par tout, ce qui peut les conduire à une certaine instabilité. À l'affût d'horizons nouveaux, elles ont le goût des voyages. Elles n'engendrent guère la mélancolie, aiment le jeu et les amusements. Quelque peu vaniteuses parfois, elles n'hésiteront pas, s'il le faut, à s'adresser des compliments à elles-mêmes. Dicton du jour, la veille de la Chandeleur, l'hiver se passe ou prend vigueur. Célébration internationale aujourd'hui aux États-Unis, c'est la journée de la liberté nationale qui commémore depuis 1948 la signature par Abraham Lincoln en 1865 d'une résolution qui deviendra le 13e amendement de leur constitution visant à abolir l'esclavage. Et c'est également le premier jour du mois de l'histoire des Noirs, l'honneur des populations noires qui ont dû vaincre l'esclavage pour gagner leurs droits civiques. Et ce mois est célébré également au Canada. Dans les événements qui se sont passés un 1er février, en 1879, la Marseillaise était choisie comme hymne national français. En 1887, c'était la première fois que le nom d'Hollywood apparaissait officiellement. Et en 1967, c'était la sortie de la comédie musicale Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy avec Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec Gilles Servat et le titre La Blanche Hermine. J'ai rencontré ce matin devant la haie de mon champ une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. La voilà la Blanche Hermine, vive la Mouette et la Jonc. La voilà la Blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre au front, mais je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. La voilà la Blanche Hermine, vive la Mouette et la Jonc. La voilà la Blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre au front, mais je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. Elle aura bien de la peine pour élever les enfants. Elle aura bien de la peine car je m'en vais pour longtemps. La voilà la Blanche Hermine, vive la Mouette et la Jonc. La voilà la Blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Elle aura bien de la peine pour élever les enfants. Elle aura bien de la peine car je m'en vais pour longtemps. Je viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera. Comme les femmes en noir, triste et seule, elle m'attendra. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonque. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Je viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera, comme les femmes en noir, triste et seule, elle m'attendra. Et sans doute pense-t-elle que je suis en déraison de la voir, mon cœur se serre là-bas devant la maison. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonque. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Et sans doute pense-t-elle que je suis en déraison de la voir, mon cœur se serre là-bas devant la maison. Et si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner d'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait? La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonque. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner d'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait? J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonque. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Et voilà, Gilles Serva avec le titre La Blanche Hermine sur RGM. Il est presque 8h37, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 1er février 1945, naissance de Gilles Serva, chanteur français. 1952, naissance de Jean Roucas, humoriste, imitateur français, connu pour l'émission de télé Le Bébé de Chaud et pour son émission de radio Les Roucasseries. 1965, naissance de Sherilyn Fenn, actrice américaine, vue dans Des souris et des hommes, dans le rôle de la femme de Curley. La série télé Mystère à Twin Peaks dans le rôle de Audrey Horne, ainsi que les 4400 Docteur House ou encore Esprit Criminel. C'est également l'année de naissance de Stéphanie de Monaco, princesse qui fut chanteuse d'ailleurs. 1968, naissance de Lisa Marie Presley, chanteuse américaine, fille unique d'Elvis Presley. On écoute tout de suite un extrait du titre Lights Out. Voilà pour l'extrait de Lisa Marie Presley. On continue les anniversaires. 1969, naissance de Brian Croze, acteur américain, connu pour son rôle de Richard Lestrange dans Retour au Lagon Bleu et son rôle de Leo Wyatt dans la série télé Charmed. 1971, naissance de Michael Carlisle Hall, acteur américain, vu dans Paycheck dans le rôle de l'agent Klein, Ultimate Game dans le rôle de Ken Castle, la série télé Six Feet Under dans le rôle de David James Fisher et surtout son rôle de Dexter Morgan dans la série Dexter. 1975, naissance de Big Boy, artiste producteur de hip-hop américain qui a fait partie du groupe Outkast. 1977, naissance d'Anne-Claire Coudray, journaliste animatrice télé française. 1979, naissance de Rachel Lefebvre, actrice canadienne, connue pour son rôle de Victoria dans Twilight chapitre 1 et 2, son rôle de Mélanie dans What House Down, vue à la télé dans What About Brian dans les rôles d'Esther et Summer, Under the Dome dans le rôle de Julia Chamouet, Bones, How I Met Your Mother ou encore New York, unité spéciale. 1983, naissance de Marie-Lou Berry, actrice française, vue dans Il était une fois dans l'Oued, Nos jours heureux, Vilaine dans le rôle de Mélanie, Joséphine et Joséphine Sarandi dans le rôle de Joséphine ou encore Les nouvelles aventures de Cendrillon dans le rôle de Cendrillon. C'est également l'année de naissance d'Andrew Van Nieuwgaarden, musicien américain, guitariste du groupe MGMT, connu pour leur titre Kids, dont on écoute tout de suite eh bien, un extrait. Oh, Voilà pour le groupe MGMT. Allez, on continue les anniversaires. 1987, naissance d'Heather Smith, actrice, danseuse, chanteuse américaine, connue pour son rôle de Brittany S. Pierce dans la série télé Glee. 1994, naissance d'Harry Styles, chanteur et acteur britannique, vu dans le film Dunkerque dans le rôle d'Alex. On le connaît pour avoir fait partie du groupe One Direction. Depuis qu'ils se sont séparés, ils mènent une carrière en solo, notamment avec le titre Sign of the Time, dont on écoute tout de suite un extrait. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Voilà pour l'extrait d'Harry Styles. En 1966, décédé Buster Keaton, acteur américain, artiste ayant marqué le cinéma muet américain, il fut entre autres surnommé l'homme qui ne rit jamais, en contraste avec Charlie Chaplin. Film notable de Buster Keaton, Sherlock Jr., la croisière du Navigator, le mécano de la Générale, Cadet d'eau douce ou encore l'opérateur. Et en 1988, décédé Heather O'Rourke, actrice américaine connue pour son rôle de Carol Ann Freeling dans Poltergeist 1, 2 et 3 et son rôle d'Heather Pfister dans la série Happy Days. Allez, tout de suite, nouvelle pause avec Stéphanie de Monaco et le titre Ouragan. Passion comme une ombre. Stéphanie de Monaco sur le 107 FM. Il est un peu plus de 8h49, on parle météo. La météo. Eh bien, plus de neige, on va passer la journée sous la pluie. Oui, les températures remontent et du coup, la neige va disparaître petit à petit hein, de nos pelouses. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés ce matin, entre 5 et 6 degrés pour cet après-midi. Pour samedi, alors, on aura principalement des nuages avec, au fil de la journée, de la pluie et de la neige attendue en soirée. Normalement, rien de bien méchant, mais bon, sait-on jamais. Des températures comprises entre 2 et 3 degrés samedi matin, entre 4 et 5 degrés pour samedi après-midi. Dimanche, on aura quelques flocons de neige, des températures comprises entre 0 et 1 degré le matin et entre 1 et 2 degrés prévus pour dimanche après-midi. Allez, on file tout de suite à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. En basket en NBA, l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier s'est imposée cette nuit 107 à 100 face à l'équipe d'Indiana. 7 points et 6 assistances pour Evan Fournier. En Pro B, samedi, Nancy recevra Roanne. En National 1, le Jet Vosges se déplacera à Sorgues. Et en National 3, Mirecourt recevra Saint-André-les-Vergers. Un mot de football en Ligue 1 ce soir. Lille reçoit Nice. Samedi, Angers recevra Dijon. Monaco, Toulouse. Rennes, Amiens. Reims, Marseille. Dimanche, Nîmes recevra Montpellier, Saint-Étienne, Strasbourg et on terminera avec le match olympique lyonnais Paris-Saint-Germain. En Ligue 2 ce soir, Nancy se déplace à Niort et à Metz se reçoit 3. Je vais y arriver. En National 2, samedi, Épinal devrait recevoir le club de Fleury-Mérogis hein, si le temps le permet. En Coupe du Grand Est, 32e de finale, samedi, Thaon-les-Vosges se déplacera à Ilkirch et dimanche, Raon-l'Étape affrontera l'équipe 2 d'Épinal sur un terrain synthétique. Un mot de hockey sur glace en Détroit, dernier match de la saison régulière pour le HC qui reçoit samedi à la patinoire de Poisson-Près l'équipe de Dijon. Rendez-vous à 18h donc pour voir ce dernier match. Et les Spinaliens vont-ils finir invaincus de cette saison régulière? Eh bien, réponse aux alentours de 20h samedi. Un mot de rugby avec le tournoi des Six Nations. Ce soir, la France affronte le Pays de Galles. En championnat du monde en e-sport, 5e médaille d'or en 5 courses pour Marie Bochet. Et en snowboard cross, on a appris que le double champion olympique Pierre Voltier était forfait pour les championnats du monde après une lourde chute à l'entraînement. Voilà pour l'actualité sportive. On marque tout de suite une dernière pause musicale avec Big Boy et son titre All Night. Big Boy. If it's all right, oh, yeah. I wanna kick it with you all night, all night. Woo. Have a good time. We will. Ain't gotta worry, cause it's all right, it's all right. Anything we'll do. All night, all night, all night, baby. Go. Don't be shy, don't be shy, don't be shy. It's okay, everybody gon' say what they wanna say. Yep. Players gon' play when they wanna play. Long lay, on lay, for a night like Luther Vandross ride. No way, daddy bad sad, don't skip no days. Either meet her, greet her, treat her like a queen, then I give her that Peter Jack. That's how we procreate. Take care of my babies, I'ma tote the weight. I'ma carry the load and I'ma win the bread as well. No tricking off of my girl. Yo, chicken off of my girl. She thick with all of her curves. Plus, she got a mind on her. Street smart, book smart, built by design for me. Gotta hold her up, cause she always holding me down. Like a bank robber with a note, give it to the teller so she know we ain't fucking around. It's something about that company I sent for you if you come for me. yeah. If it's alright, oh, yeah. I wanna kick it with you all night, all night. Woo. Have a good time. We will. Ain't gotta worry, cause it's alright, it's alright. Anything won't do. All night, all night, all night, baby. Don't be shy, don't be shy, don't be shy. It's okay, I've been feeling good, now nigga feeling great. Started out as a little hood nigga from Savannah, then I moved to the A. Hey, dirty, dirty, see we creep up on folks and dirties. Sucking up game like a wet back, put it out, eat it up, get it right back, yeah. They ain't worthy, sometimes I think they don't deserve me. Big cold as the ice in your nightcap, hit you with your bonnet on by the night lamp. We don't discriminate, we just want you to participate. It takes two to tango, now wet the day go. This ain't that same old, same old, old, same shit. We done switched it up like a plain clothes. 5-0, 12, same cold, my flow, hell, stay froze. It's something by that company I sent for you if you come for me. Come for me. If it's alright, with you, yeah. I just wanna boogie with you. Do anything that you wanna do. Girl, I just wanna boogie with you. Woo! If it's alright. Big Boy sur RGM, 8h56, tout juste passé de quelques secondes. On fait un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. À 9h, un épisode de Ours et Carottes. 13h30, la rediffusion de la chronique de Mathilde. 14h, rediffusion de J'aime et je vous le lis. 15h, rediffusion de Jazz Time de Radio Décliqué. Et à 20h, ce sera Mosaïque avec François. Et nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Ciao, bye bye.